vivre de nos faiblesses, l'orgueil nous paralyse. J'ai besoin d'un stick, d'une playlist et d'une psychanalyse. On veut la réussite, mais pour ça y'a pas de science. Parce que la roue tourne et parfois ça n'a pas de sens. Bientôt trentenaire, il serait bon de s'arrêter. J'aurais pas le rôle du grand frère, moi j'ai des comptes à régler. Le temps me manque, y'a tant à faire, ça rend fou. Le peur a les amis, la mif avant. J'ai pas le temps, je calcule plus vos mathématiques. J'ai raté mon tram, j'ai pas raté ma vie. On s'enfume à la fenêtre, on range pas nos chambres. On sort tard, faire la fête, dort quand les oiseaux chantent. J'ai eu besoin de personne pour s'occuper de mon cas. J'ai tué le paquet de clopes, j'ai pris tous les toncards. Et je laisserai les gens parler, j'ai fini de m'emballer. Je veux que les frères dansent, que les meufs se déhanchent, allez. Ils nous rendront pas ce qu'on a donné. On récoltera ce qu'on a semé. Le peur a les amis, la mif avant tout. Ils peuvent s'inventer des vies, mais ça sera sans nous. Ça sera sans nous, ça sera sans nous. Ils peuvent s'inventer des vies, mais ça sera sans nous. Ça sera sans nous, ça sera sans nous. Le peur a les amis, la mif avant tout. Voter pour des racistes, ça, ça sent moi. Je prends tout le temps la fuite quand je me sens mal. C'est pas le bad quand je m'effuse, c'est cela. J'aime pas d'avoine et devenu Jedi. Fais des erreurs pour ne jamais les refaire. Prends-en de la graine avant de semer les tiennes. Même sans bif, allez démerdez-vous. Je chasse les riches dans la forêt Sherwood. Ils nous rendront pas ce qu'on a donné. On récoltera ce qu'on a semé. Le peur a les amis, la mif avant tout. Ils peuvent s'inventer des vies, mais ça sera sans nous. Ça sera sans nous, ça sera sans nous. Ils peuvent s'inventer des vies, mais ça sera sans nous. Ça sera sans nous, ça sera sans nous. Le peur a les amis, la mif avant tout. C'est bizarre, je me détruis pour créer. J'aime la fête, c'est la nuit tout l'été. Là elle danse et moi je suis sous effet. C'est en elle que je puise tous mes textes. Et laisse-moi, je vais m'envoler, je veux même plus voir mes proches. J'ouris plus à la vie, plus qu'avec toi c'est mort. Je prends plus les mots à la légère, je sais le poids de ma plume. J'ai soufflé ma fumée, ils ont cru voir la brume, ouais. Je regarde plus l'heure avant de me coucher. Ça sert à rien, il est trop tard. Je veux plus que mes proches se mettent à douter. Je me tais, je préfère quand les mots parlent. J'en ai marre de toutes vos manigances. Je voulais ouvrir mon cœur, j'ai fait les 400 coups. Je vous écoute plus, c'est trop fatigant. Je m'en fous si je me barre, ce sera sans vous. Ils nous rendront pas ce qu'on a donné. On récoltera ce qu'on a semé. Le peur a les amis, la mif avant tout. Ils peuvent s'inventer des vies, mais ça sera sans nous. Ça sera sans nous, ça sera sans nous. Ils peuvent s'inventer des vies, mais ça sera sans nous. Ça sera sans nous, ça sera sans nous. Le peur a les amis, la mif avant tout. Ils nous rendront pas ce qu'on a donné. On récoltera ce qu'on a semé. Le peur a les amis, la mif avant tout. Ils peuvent s'inventer des vies, mais ça sera sans nous. Ça sera sans nous, ça sera sans nous. Ils peuvent s'inventer des vies, mais ça sera sans nous. Ça sera sans nous, ça sera sans nous. Le peur a les amis, la mif avant tout.